you'll be dead, dead, dead, dead. Yeah. qui va nous faire sauter. We'll be right back. inventée jadis par la bourgeoisie et qu'elle lança à travers le monde, l'une est celle de l'homme et de l'humanisme, l'autre est celle de la nation. C'est un fait. La nation est un phénomène bourgeois. Mais précisément, si je détourne les yeux de l'homme pour regarder les nations, je constate qu'ici encore, le péril est grand. Que l'entreprise coloniale est au monde moderne ce que l'impérialisme romain fut au monde antique. Préparation du désastre et fourrier de la catastrophe. Et quoi ? Les Indiens massacrés ? Le monde musulman vidé de lui-même ? Le monde chinois pendant un bon siècle souillé et dénaturé ? Le monde nègre disqualifié ? D'immenses voix à tout jamais éteintes, des foyers dispersés au vent, tout ce bousillage, tout ce gaspillage, l'humanité réduite au monologue, et vous croyez que tout cela ne se paie pas? La vérité est que dans cette politique, la perte de l'Europe elle-même est inscrite, en italique, et que l'Europe, si elle n'y prend pas garde, périra du vide qu'elle a fait naître autour d'elle. On a cru n'abattre que des Indiens, ou des Hindous, ou des Océaniens, ou des Africains. On a en fait renversé les uns après les autres, les remparts en deçà desquels la civilisation européenne pouvait se développer librement. Vous voulez que je continue un peu ? Je sais tout ce qu'il y a de fallacieux dans les parallèles historiques, dans celui que je vais esquisser notamment. Cependant, que l'on me permette ici de recopier une page d'Edgar Quinet pour la part non négligeable de vérité qu'elle contient et qui mérite d'être méditée. La voici. On demande pourquoi la barbarie a débouché d'un seul coup dans la civilisation antique. Je crois pouvoir le dire. Il est étonnant qu'une cause si simple ne frappe pas tous les yeux. Le système de la civilisation antique se composait d'un certain nombre de nationalités, de patries qui, bien qu'elles semblassent ennemies ou même qu'elles s'ignorassent, se protégeaient, se soutenaient, se gardaient l'une l'autre. Quand l'Empire romain, en grandissant, entreprit de conquérir et de détruire ses corps de nations, les sophistes éblouis crurent voir au bout de ce chemin l'humanité triomphante dans Rome. On parla de l'unité de l'esprit humain. Ce ne fut qu'un rêve. Il se trouva que ces nationalités étaient autant de boulevards qui protégeaient Rome elle-même. Lors donc que Rome, dans cette prétendue marche triomphale vers la civilisation unique, eut détruit l'une après l'autre Carthage, l'Égypte, la Grèce, la Judée, la Perse, la Dacie, les Gaules, il arriva qu'elle avait dévoré elle-même les digues qui la protégeaient contre l'océan humain sous lequel elle devait périr. Voilà. Fin de citation. Dernier passage est une citation d'une page de Garquinet. Oui, mais le livre... Le livre, c'est le discours sur le colonialisme. Oui, mais c'est toujours l'actuel, ça. Qui est apparu en 1900, réédité en 1955. C'est plus jamais d'actualité. Ça a toujours été. Moi, j'aime pas sa façon d'écrire. Moi, j'aime pas sa façon d'écrire. Non. On dirait qu'il est là avec un bateau qui est menace le monde, là, je sais pas. Peut-être pas voir. Oui, mais pas, ça n'ira pas comme ça, je sais pas, il a une façon de... J'aimerais pas, non. Ça fait penser un peu à Marx dans son manifeste. Oui, il a son idée ancrée, tout le monde devrait le suivre. Je sais. En fait, c'est un texte ancré sur notre monde d'aujourd'hui. C'est un texte sur le pouvoir, à mon avis. Il peut s'appliquer de personne, hein. Enfin, je veux dire, de... Aussi bien aux nations qu'individuellement, à chaque individu. Sur un être, un potentat par exemple, en fait. Vous le détruisez par votre pouvoir et vous vous détruisez vous-même. Par l'exercice du pouvoir. Vous pouvez ne pas être d'accord. Enfin, c'est ce que dit Césaire. Si vous croyez que le pouvoir, l'exercice du pouvoir augmente la personnalité de quelqu'un. Non, pas du tout, je ne parle pas de ça, mais enfin, je pense que lorsque quelqu'un prend le pouvoir, c'est qu'il n'y avait personne d'autre, aucune autre entité, capable de la prendre ce pouvoir et de l'assumer. Vous parlez en termes de fatalité, là. Oui. Non, pas bien. Pas tout à fait. Vous trouvez que le général grec, M. Patakis, était nécessaire et venu parce qu'il était indispensable. Non, pas parce qu'il était indispensable, parce que... Non, je suppose que sa solution peut paraître excellente sur le moment. Comment dire ça? Tout le monde pas pour le peuple grec. Non, enfin... Moi, qui sait? On ne peut pas juger les événements actuels. Alors. On ne mettrait pas 6000 personnes en tôle comme ça du jour au lendemain. De toute façon, lui, probablement, se croyait indispensable, puisqu'il y a été, c'est qu'il avait son idée. Il y croyait à son idée. Bah tiens. C'est pas sur la qualité qu'on doit juger, c'est sur les résultats. Ouais. C'est pas sur le moyen, mais le but. Et quelle vertu trouvez-vous donc au pouvoir personnel? Mais j'ai jamais parlé de pouvoir personnel. Si, vous parlez de dictature. Ah, je vais pas parler de dictature, pardon. Moi, je vous citais le général Patakis. Ah oui. Je ne sais pas. Non, je pars du principe qu'on ne peut pas juger sur le... dans le présent. Mais on ne peut pas augurer de ce qui va se passer en jugeant des... Enfin, si on extrapolait du présent, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Par exemple, en 1914, en s'engageant dans la guerre, les divers pays européens ne savaient pas quelles pouvaient être, quelles seraient les conséquences de leur acte. Alors c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte. Mais vous entérinez tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive devait arriver. Oui. Vous êtes fils de mineur. Oui. Boursier. La père décide. Ah bon, votre père dans la mine? Non, il est mort d'un infarctus consécutif à l'accident de la mine. Et vous êtes pris en charge par la commune ou bien? Non, j'ai une bourse d'État et une bourse de mine. Enfin, une bourse de mine, c'est plutôt une sorte de contrat qui m'obligera à travailler plus tard lorsque j'aurai terminé mes études aux mines. Démocratisation d'enseignement. Ah oui, moi j'étais boursière aussi il y a plus longtemps que ça.